Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Guémozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 26 avril, nous souhaitons une bonne fête aux Alida, ça vient du germanique signifiant noble. Idéaliste, sensible et émotive, les Alida ont tendance face à l'hostilité à se refermer sur elles-mêmes. Elles sont courageuses et déterminées. Il y a une sorte de dualité, de double facette chez elles. D'un côté, celle d'une femme affective, sympathique, altruiste, à forte sensibilité, plutôt extravertie. De l'autre, celle d'une femme introvertie, méfiante, prudente, timide, contrôlée et travailleuse, intellectuelle, qui apprécie la solitude, discrète, à l'esprit critique, parfois cynique. Ces deux tendances ne sont pas forcément incompatibles, mais font d'elles des personnages à part. Originales et d'avant-garde, elles sont inspirées et ont de hautes aspirations humanitaires, où les frontières, les races ou les barrières sociales n'existeraient plus. En fait, cet aspect lié au maître nombre 11 n'est pas aisé à vivre au quotidien. Il arrive fréquemment que les vibrations vécues soit celle du registre inférieur du 11, c'est-à-dire le 2, on assiste alors à plus de passivité, de soumission, d'oubli de soi, dans une dépendance aux autres. Dicton du jour, avril et mai sont la clé de l'année. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle établie en 2001 par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et en Tanzanie c'est la fête de l'Union. Ça s'est passé un 26 avril 1964, naissance de la Tanzanie. En 1989, c'était bien le premier épisode de Dragon Ball Z qui était diffusé au Japon. Et en 2001, c'était le lancement de la première émission de télé-réalité en France. C'était la saison 1 de Lost Story. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec Duran Duran et leur titre « On Another World ». Some say, where is my friend when I need you? fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow. Ordinary We World du groupe Duran Duran sur RJM. 8h37, tout juste passé de quelques secondes. On va parler anniversaire avec tous ceux qui sont nés un 26 avril. Et on commence en 1933 avec la naissance de Jean-Pierre Moulin, acteur français spécialisé dans le doublage, connu pour être la voix officielle de Jack Nicholson depuis le film Vol au-dessus d'un nid de coucou et la voix d'Anthony Hopkins depuis Le silence des agneaux. 1949, naissance de Dominique Sénard, réalisateur américain qui l'on doit 60 secondes chrono, opération Espadon ou encore Le dernier des Templiers. 1958, naissance de Giancarlo Esposito, acteur américain vu dans Malcolm X dans le rôle de Thomas Ayer, dans Ali dans le rôle de Cassius Clay Senior, Le labyrinthe, La terre brûlée, Le labyrinthe, Le remède mortel dans le rôle de George, dans la série télé Breaking Bad dans le rôle de Gustavo Fring, dans Once Upon a Time dans le rôle de Sidney Glass alias Le Miroir. 1960, naissance de Roger Taylor, musicien britannique du groupe Duran Duran. 1962, naissance de Michael Damian, acteur américain connu pour son rôle de Danny Romalotti Senior dans la série télé Les Feux de l'Amour. 1963, naissance de Jet Li, acteur chinois vu dans L'Arme Fatale 4, Le Baiser Mortel du Dragon, Danny the Dog, La Momie, La Tombe de l'Empereur Dragon ou encore Expendables 1, 2 et 3. 1965, naissance de Kevin James, acteur américain vu dans Hitch, expert en séduction dans le rôle d'Albert, quand Chuck rencontre Larry dans le rôle de Larry ou encore dans la série télé Un gars du Queens dans le rôle de Doug Efferman. 1966, naissance de Didier Gustin, humoriste français. 1967, naissance de Marianne Jean-Baptiste, actrice anglaise vue dans Spy Game, jeu d'espion, Takers, dans la série télé FBI portée disparue dans le rôle de Vivian Johnson, Sons of Anarchy, Private Practice, Broadchurch ou encore Blindspot. 1970, naissance de Sébastien Follat, présentateur télé français qui a présenté pendant 5 ans entre 2003 et 2008 l'émission Vidéogag et de 2012 à 2018 il a présenté Harry. C'est également l'année de naissance de Tion Watkins, chanteuse américaine du groupe TLC. 1974, naissance d'Ivana Milicevic, actrice américaine vue dans Vanya Sky dans le rôle d'Emma, Paycheck, Love Actually, Casino Royale dans le rôle de Valenka, dans la série télé Buffy contre les vampires, Friends ou encore Charm. 1977, naissance de Jason Earls, acteur américain vu dans Benjamin Gates et Le Trésor des Templiers, American Pie 4, No Limit, dans la série télé Fil du Futur dans le rôle de Grady Spaghett ou encore Anna Montana dans le rôle de Jackson Stewart ainsi que dans le film Anna Montana. C'est également l'année de naissance de Tom Welling, acteur et mannequin américain vu au cinéma dans 13 à la douzaine 1 et 2 dans le rôle de Charlie Baker et on le connaît surtout pour son rôle de Clark Kent Superman dans la série Smallville. 1978, naissance de Stana Katic, actrice canadienne, vue dans Quantum of Solace dans le rôle de Corinne Venot, la série télé Alias, Urgence, Heroes, 24 heures chrono, et on la connaît surtout pour son rôle du lieutenant Kate Beckett dans la série Castle. C'est également l'année de naissance d'Anna Mouglalis, actrice française, vue dans Coco Chanel et Igor Stravinsky dans le rôle de Coco Chanel, et elle a interprété le rôle de Juliette Gréco dans Gainsbourg, Vie héroïque. 1979, naissance d'Ariane Brodier, présentatrice télé française, actrice et humoriste, vue dans Section de recherche. Et depuis 2017, elle apparaît dans Camping Paradis dans le rôle de Juliette Vanna. 1980, naissance de Jordana Brewster, actrice américano-brésilienne, vue dans la saga des Fast and Furious 1, 4, 5, 6 et 7 dans le rôle de Mia Toretto. Et normalement, elle devrait apparaître dans Fast and Furious 9, sortie prévue en 2019. Vue également dans Massacre à la tronçonneuse, le commencement, dans le rôle de Chrissy, dans la série télé As the World Turns, dans le rôle de Nicky Munson, dans quelques épisodes de Chuck, dans le rôle du docteur Jill Roberts, dans Dallas, la nouvelle génération, dans le rôle d'Elena Ramos, et on peut la voir actuellement dans la série L'Arme Fatale, dans le rôle du docteur Maureen Cale. C'est également l'année de naissance de Laurent Ournac, acteur français remarqué dans l'émission Mon incroyable fiancé. Depuis 2006, il incarne Tom Delorme dans Camping Paradis, apparu également dans Joséphine, Ange Gardien ou encore Nos chers voisins. Et 1980, c'est également l'année de naissance de Channing Tatum, mannequin, acteur, danseur, producteur américain, vu dans Sexy Dance 1 et 2 dans le rôle de Tyler Gage, Public Enemies, G.I. Joe, Le Réveil du Cobra, G.I. Joe, Conspiration, dans le rôle de Duke Hauser, Je te promets, 21 Jump Street, ainsi que la suite 22 Jump Street, dans le rôle de Greg Jenko, Magic Mike, ainsi que la suite Magic Mike XXL, dans le rôle de Mike Lane, alias Magic Mike. Vu également dans What House Down, dans le rôle de John Cole, vu dans Les 8 salopards, et il est le producteur de 21 Jump Street, Magic Mike, White House Down, 22 Jump Street et Magic Mike XXL. 1984, naissance d'Emily Wickersheim, actrice américaine, vue dans Les Sopranos, Gossip Girl. Depuis 2013, elle incarne Ellie Bishop dans NCIS Enquête Spéciale, et elle est apparue également dans NCIS Nouvelle-Orléans avec ce propre rôle. 1985, naissance de John Isner, joueur de tennis américain, professionnel depuis 2007, meilleur classement à l'ATP, la 9e place atteinte en 2012. Il était quart de finaliste à l'US Open, 8e de finaliste à l'Open d'Australie et Roland-Garros et 16e de finaliste à Wimbledon. Et à noter que lors du tournoi de Wimbledon en 2010, il a remporté le plus long match de l'histoire du tennis, c'était contre le français Nicolas Mahut. Et John Isner a remporté une Hopman Cup, c'était en 2011. 1987, naissance d'Antonin Manavian, hockeyeur sur glace français qui a joué à Rouen, Grenoble, au Condor de Bakersfield, à Angers, Rouen, à Innsbruck, de nouveau à Angers, de nouveau à Rouen. Depuis 2015, il est en contrat avec le club d'Alba Volant. Cette saison, il a fait quelques matchs au Duc d'Angers avant de retourner au club d'Alba Volant. 1989, naissance de Luc Brasset, acteur australien, vu dans la série télé Summer Bay dans le rôle de Trey Palmer, au cinéma dans G.I. Joe Conspiration dans le rôle du Commandeur Cobra. En 2015, vu dans Point Break dans le rôle de Johnny Utah, ou encore dans le film Tu ne tueras point de Mel Gibson dans le rôle de Smithy. 1990, naissance de Jessie DeColo, basketteuse française, sœur de Nando DeColo, qui joue actuellement au club de Dunkerque. En 2009, décédée Macha Béranger, animatrice radio française, actrice également, puisqu'on a pu la voir dans Vipère au Point dans le rôle de Madame Pluvignec, comme Thiébel dans le rôle de Tante Régine, dans Sous le soleil dans le rôle de Béatrice Mondino, ou encore Père et Mère. Et en 2017, décédé Jonathan Demme, réalisateur, scénariste et producteur américain, à qui l'on doit notamment Le silence des agneaux, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. Et on lui doit également Philadelphia. Allez, on marque tout de suite une nouvelle pause musicale avec les TLC et leur titre Waterfalls. We'll be right back. then I drink some not one God given reason. Because my life is 10 shades of gray. I pray all 10 fade away, sell the praise them for the 7 days. And like his promise is true, won't leave my faith can undo the many chances I believe to bring my life to an end. Clear blue and unconditional skies have dried the tears from my eyes, no one lonely cries. My only leading hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that it keeps them in the pouring rain. Who's to blame for tuning in into your own vein? What a shame, yes, you and aim for someone else's brain. You claim the insane and aim to stay in time for falling prey to crime. I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Don't go chasing waterfalls. Please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that you're gonna have it your way or nothing at all. But I think you're moving too fast. Le groupe TLC avec leur titre Waterfalls sur le 107 FM. Il est presque 8h49 et c'est l'heure maintenant de parler météo. La météo. Alors aujourd'hui, eh bien, ce sera principalement des nuages, hein, même si on aura droit à quelques éclaircies, des températures qui ont diminué et qui vont diminuer encore cet après-midi. Hein. Ce matin, elles sont comprises entre 8 et 9 degrés, et cet après-midi, elles seront comprises entre 13 et 14 degrés. Pour vendredi, normalement, on aura une belle journée ensoleillée, des températures comprises entre 5 et 6 degrés le matin, entre 19 et 20 degrés prévues pour demain après-midi, et pour samedi, ce sera du soleil avec quelques nuages, des températures comprises entre 9 et 10 degrés le matin et entre 16 et 17 degrés prévus pour samedi après-midi. Voilà pour la météo, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. En football, en Ligue des Champions, avec la deuxième demi-finale aller qui opposait hier le Bayern Munich au Real Madrid, et le Real qui a pris une bonne option en s'imposant 2-1 sur la pelouse du Bayern Munich. En Europa League, ce soir, ce sont les demi-finales aller avec notamment Marseille qui reçoit le club de Salzbourg et Arsenal reçoit l'Atlético Madrid. En basket, en NBA, cette nuit, l'équipe de Washington de Miami s'est inclinée face à Toronto, 108 à 98, 2 points pour le français. Toronto mène la série 3-2 et l'Utah Jazz de Rudy Gobert a raté une occasion de se qualifier en s'inclinant face à Oklahoma, 107 à 99. L'Utah Jazz mène encore la série, hein, 3-2 cette fois-ci. Et à noter que cette nuit, il y a 11 points et 10 rebonds pour Rudy Gobert. Ce soir, l'équipe de Boston de Yabusele affronte de nouveau Milwaukee. Un mot de hockey sur glace avec les playoffs de NHL. Et ça y est, on connaît tous les quarts de finalistes. Donc il y a Las Vegas, hein, de l'équipe de Pierre-Édouard Belmar qui affrontera San Jose, ça on le sait depuis un moment. Mais Nashville affrontera Winnipeg. Il y aura Washington face à Pittsburgh. Alors ce quart de finale risque d'être très très intéressant. Et le dernier quart de finale opposera Tampa Bay à Boston. Et on va revenir du côté de chez nous avec une mauvaise nouvelle concernant le club des Gémio, puisque le tribunal d'Épinal annoncera aujourd'hui la liquidation judiciaire du club de hockey sur glace spinalien. Et dans un communiqué officiel, Romain Cazolari hier soir a déclaré ceci: chers supporters, chers partenaires, chers bénévoles, je suis au regret de vous annoncer que la liquidation judiciaire de la SASP Gémio Épinal sera prononcée demain par le tribunal de commerce. Comme nous en a fait part notre administrateur judiciaire, la procédure de redressement judiciaire qui était inéluctable n'est pas adapté à un club sportif à cause de la saisonnalité de notre activité, des spécialités, des contrats de sportifs et de partenariats. En effet, afin de poursuivre, nous devions, comme tous les ans, commencer à encaisser l'argent durant cette intersaison des abonnements et partenariats. Le problème est qu'il s'agit de règlements pour une prestation qui sera assurée entièrement à l'issue de la saison. Or, avec la procédure de RJ, nous sommes obligés d'envisager la possibilité d'une liquidation qui pourrait arriver à tout moment et notamment avant la fin de la saison prochaine. Avoir encaissé de l'argent sans être allé au bout de la prestation serait alors assimilé à une escroquerie relevant du droit pénal. Ainsi, nous ne sommes pas autorisés à encaisser quoi que ce soit avant le mois de septembre. Il nous fallait pourtant un minima 400 000 euros pour arriver jusqu'en septembre. Le seul moyen qu'il y avait était que j'apporte cette somme tout de suite et il fallait que je le fasse sans garantie de poursuite de notre activité et de la division dans laquelle nous aurions pu évoluer. Il y a trop d'incertitudes à court terme. Lorsque je me suis rapproché du club il y a 4 ans maintenant, c'était pour essayer de le sauver, ce que j'ai fait à plusieurs reprises. Je n'ai pu malheureusement et seulement lui permettre de survivre quelques années supplémentaires au plus haut niveau, ce qui a coûté à ma société actionnaire majoritaire de la SASP Gaming Épinal 1 400 000 euros. Aujourd'hui, sans possibilité d'encaisser de l'argent, sans savoir où nous allions sportivement parlant, je ne vois pas comment je pourrais me permettre d'apporter une telle somme juste pour voir ce qu'il va se passer. J'en suis désolée pour tous ceux qui aiment ce club et qui le soutiennent. C'est pourquoi je passe la main en espérant qu'un jour le club trouve quelqu'un qui puisse l'aider à retrouver l'élite du hockey français. En attendant, il y a toujours une association qui existe et à qui j'apporterai si nécessaire mon soutien financier. Voilà donc, c'est la fin des Gameo d'Épinal. Et depuis l'annonce de ce communiqué officiel hier soir, eh bien de nombreuses réactions s'en sont suivies sur les réseaux sociaux, notamment les supporters, mais aussi d'anciens joueurs de hockey qui sont passés par Épinal. Pour en citer quelques-uns, Lucas Savoie a réagi, Maxime Moisan a réagi ce matin, Hugo Vinatier, Sébastien Gauthier qui est passé par Épinal il y a quelques années maintenant. Voilà, de nombreuses réactions s'en sont suivies sur les réseaux sociaux et donc on va suivre ça de près pour voir le club évoluer, on l'espère, en Détroit tout de même la saison prochaine. Allez, on parle maintenant tennis, et puis c'est pas mieux pour nos Français, ça se passe pas très très bien sur terre battue. À Barcelone, élimination de Gilles Simon en 2-7 face à Dimitrov, 6-2-6-1. Benoît Paire s'est incliné en 2-7 face à Carreño Busta, 6-3-6-3. Novak Djokovic, lui, s'est incliné en 3-7 face à Clizon, 6-2-1-6-6-3. Rafael Nadal s'est qualifié en 2-7 face à Carabelas Buena, 6-4-6-4. Aujourd'hui, Manarino affrontera Carreño Busta, Nadal se repose à Garcia Lopez et Tim à Kovalik et Dimitrov à Jaziri. À Budapest, élimination de Gasquet face à Sonega en 2-7, 6-4, 7-6. Lucas Pouille affrontera aujourd'hui Milman. À Stuttgart, élimination de Mladenovic en 3-7 face à Kontaveit, 5-7, 7-6, 6-7-6. Aujourd'hui, Garcia affrontera Kostiuk et à Istanbul, Pauline Parmentier s'est qualifiée en 3-7 face à Putintseva, 6-2, 2-6, 6-3. Elle ne joue pas aujourd'hui. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va se remonter un petit peu le moral avec une dernière pause musicale et l'Algerino avec son titre Va Bene, bande originale de Taxi 5. Taxi 5, c'est l'Algier, DJ Core. J'ai grandi dans le bloc, j'ai connu la crise. M'appelle pas le sang, non, ne me fais pas la bise. Marseille, quartier nord, c'est devenu Cali. Pain dans les poches, Martavé devant la vie. Tu veux la marie, marie, défaut les billets. Cagoule et ganté, je vais tous les faire chanter. La la la, oui je vis. T'es fait en double fil, je fais bugger le taxi. Ah oui, ah oui. Va bene ma bella, la, la, la. Tu as marché dans ma favela, la, la, la. Va bene ma bella, la, la, la. Je leur fais danser la macarena. Difficile, j'suis loin d'être agile. J'suis calé dans le club, mon pote, j'me file. Et vas-y, lâche une blonde, à sa brego femme. Ah ouais, ah ouais. Cause tout de suite en hélico. Marseille, c'est cramé, c'est chaud. Y'a des condés dans l'allée, eh. Les petits chez moi les font cavaler, eh. Lamborghini Gallardo. J'bois une petite Mantaro. Ah, tu m'as vu à la télé. Gianni Versace, tu me reconnais, ma chérie. J'suis dans mon bolide. Ça bombarde sur la route, le soleil. Le compte est chargé, t'inquiète, c'est du solide. Y'a du bon, du mauvais, Marseille c'est la folie. Ah oui, ah oui. Va bene ma bella, la, la, la. Tu as marché dans ma favela, la, la, la, la. Va bene ma bella, la, la, la. Je leur fais danser la macarena. Elle vient de Mani, elle fait la difficile. J'suis loin d'être fragile, j'suis calé dans le club. Mon pote me finit. Et vas-y lâche une blonde, à sa brego fami. Ah oui, ah oui. J'suis posé seul en terrasse. Le cousin lève le T-Max. J'crois que j'vais finir en serrage. Tu rends fou le compte de ta race. HLM au bord de la mer. Tu es en buvette, j'accélère. Qu'est-ce que tu veux que j'dise au minot, oh. sont tous devenus parano. Ma chérie, je suis dans mon bolide. Ça bombarde sur la route, le soleil est torride. Le compte est chargé, t'inquiète, c'est du solide. Y'a du bon, du mauvais, Marseille, c'est la folie. Ah ouais, ah ouais. Va venir ma belle là. Je suis à Marseille dans ma favela. La, la, la, la. J'suis loin d'être fragile. J'suis calé dans le club, mon pote, j'me finis. Et vas-y, lâche une blonde à sa brigo famille. Ah ouais, ah ouais. Bene, l'Algerino, bande originale de Taxi 5. Et si vous n'avez pas été encore voir ce film, eh bien, allez-y. Des barres de rire du début à la fin. Voilà, 2 millions d'entrées déjà en 2 semaines d'exploitation de ce film. Un véritable carton pour Taxi 5, hein, réalisé par Franck Gastambide. Allez, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Mais avant de se quitter, on va faire un point sur ce qui vous attend aujourd'hui à 9h. C'est la rediffusion de La Parole est à vous avec Michel. À 13h30, la rediffusion de la chronique de Michel, 14h, clip clap on tourne avec Tanguy, 16h, les années bonheur avec Gilou, 18h, rediffusion de l'heure des loups avec Lou consacré à Agassi, 20h, jukebox, 23h, rock à la Casbah, et nous on se retrouve demain matin. Excellente journée à tous.